Yeah. Suno. Je regarde de loin. Yeah. Ok. Yeah. Yeah. Ok, ouais. Je reviens de loin, yeah. Ouais, je reviens de loin, frère. J'unir tous ces chiens, je m'en tape les reins. Je m'en manque, alhamdoulilah. Tout va bien, j'étais tombé en bas. Malheureusement, personne n'était là. Je me suis débrouillé seul pour en arriver là. J'ai goûté l'échec, puis je m'en ai sorti. Nique les FDP, chacun fait sa vie. Je fais tout en solo, j'ai pas besoin de beat. Je déteste le style de meuf, genre qui suce des beats. Je traîne dans le 7-5, tu peux me voir dans le 19. Je déteste les salopes, les jaloux et les keufs. Je reviens de loin parce que avant j'étais un ouf. Ça s'était passé, maintenant j'ai tourné la page. Plus je continue, plus les haineux ont la rage. Plus tu continues, plus je t'enferme dans une cage. Dans ce monde, y'a des pitbulls et y'a des caniches. Y'a un côté pour les pauvres et y'a un autre pour les riches. Y'a des racistes, ça changera jamais. Pour toi, l'Amérique d'un rêve, c'est des robes détestés. Cherche pas à piger, les profs détestent les mauvais. S'ils bavent tout, lève la main, c'est au repos de patienter. Ouais, je reviens de loin parce que je m'en sors seul. Nique les FDP qu'ils ont une grosse gueule. Sinon, c'est ça que je compose mes propres textes. Quand tu fais une erreur, ben y'a pas de chipex. Moi c'est Sino, et ouais, je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes. Dans un coin, je m'en tape les reins. Des chiens, alhamdoulilah, tout va bien parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. Moi c'est Sino, et ouais, je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes. Dans un coin, je m'en tape les reins. Des chiens, alhamdoulilah, tout va bien parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. La vie continue, mais à un moment elle s'arrête. Si t'es riche dans un ghetto, le lendemain tu te fais pète. La vie elle est dure. Et c'est maintenant que tu le sais, s'il y a des hypocrites chaque jour, c'est que tu les connais. Les gens croient trop qu'ils sont à désirer. Si je les vois devant moi, ça sera Mollard qui va rentrer. Moi c'est Sino, et ouais, je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes dans un coin. Je m'en fous, fais pas le malin frère, ça sert à rien. Sinon tu le regretteras, tu penseras ça dans ton coma. Les rêves se réaliseront pas, c'est pas comme ça que t'arriveras. Si tu t'es mis en pause, moi tu reviendras pas. Cherche pas à comprendre, pour savoir ben faut apprendre. Quand t'es brûlé, bien sûr que ta peau est en cendre. Quand on te prête un truc, autant bien faut le prendre. Et qu'on te donne un truc, tu peux le prendre. Moi c'est Sino, et ouais, je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes. Dans un coin, je m'en tape les reins. Des chiens, aime de l'air, tout va bien parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. Moi c'est Sino, et ouais, je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes. Dans un coin, je m'en tape les reins. Des chiens, aime de l'air, tout va bien parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. Ouais, je reviens de loin. Ouais, je reviens de loin. Ouais, je reviens de loin. Ouais, je reviens de loin. Sino, yeah. Danny 75019. Sino baby, yeah. Je reviens de loin. Street killers, yeah. Ok, yeah. C'est ça. Je reviens de loin. Moi, c'est Sino, eh ouais. Je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes. Dans un coin, je m'en tape les reins. De chien, alhamdoulilah. Tout va bien parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. Moi c'est Sino, et ouais, je reviens de loin. Je reste sur ma route, je compose mes textes. Dans un coin, je m'en tape les reins. Des chiens, alhamdoulilah, tout va bien parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin. Parce que je reviens de loin.